Comme Sina Rahman Rahim, Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala Rasulillah, wa ala alihi wa sahabati min tabi'a tharahum tafama ba'd, fa inna astaqal hadith kitabullah, wa khair hadi hadi Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa sharral umuri muhdathatuha, wa kulla muhdathatin bid'ah, wa kulla bid'atin dalalah, wa kulla dalalatin fin nari. Enfin, dans le cours précédent, on avait pu voir quatre conditions relatives au dua, qui sont at-tadarru', al-khifya, al-rahba wa al-rahba. Et ces quatre conditions-là sont réunies dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufya, innahu la yuhibbu al-mu'tadin, wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha, wad'uuhu khawfan wa tama'a. Khawfan wa tama'a rahbatan. Enfin, ça, c'est quatre conditions en plus qu'on a ajoutées aux deux conditions précédentes qui sont l'ikhlas wa al-mutaba'a. At-tadarru', c'est-à-dire l'humilité dans la dua. At-tadarru', c'est-à-dire être tranquille lorsqu'on invoque Allah Azza wa Jal. Être calme, ne pas être agité. Kazalika at-tadarru' bimahna at-tawadu' ma Allah Azza wa Jal. Il faut qu'on laisse apparaître à travers nos invocations, à travers nos implorations qu'on est nécessité envers Allah subhanahu wa ta'ala. Wa khufya est en discrétion, sans élever la voix, car Allah subhanahu wa ta'ala entend les voix qui sont distantes et celles qui sont proches. Wa huwa al-qarib subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui est proche. Wa huwa al-sami', c'est celui qui est audient. Wa huwa al-alim, c'est celui qui est omniscient. Jalla wa ala. Fala haja ila rafa' as-sawt, aucun intérêt à élever la voix lorsqu'on demande à Allah azza wa jalla. Kazalika ar-rahba wa ar-rahba, et on a dit ces deux conditions-là, implorer avec espérance et crainte, ça implique que la personne met en application, œuvre en conséquence. J'implore Allah Azza wa Jal, barahba, avec désir, et je fais les œuvres qui en découlent. Kazalika, je demande à Allah Azza wa Jal le refuge contre l'enfer, et je fais les asbab, je prends les causes qui vont m'écarter de l'enfer. Ou sinon, tout cela c'est du mensonge. Celui qui s'entête dans le péché, et ensuite il demande à Allah Azza wa Jal, fil haqiqa, ça c'est de l'i'tida, c'est de la transgression, parce que tu te dois d'espérer et de craindre. Celui qui ne délaisse pas les péchés, il n'a pas craint Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça s'oppose à ce adab qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné dans ad-du'a. Al-yom, on va prendre kazalika une condition fil haqiqa, elle a des sous-catégories. Et fil haqiqa, cette condition-là qui est an yakuna ad-da'i muqinan bi al-ijaba, qu'il ait la conviction qu'Allah subhanahu wa ta'ala va lui répondre, fil haqiqa, ça rentre dans l'espérance. Parce que la personne qui invoque Allah subhanahu wa ta'ala par conviction, il espère qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui répond. Celui qui n'implore pas par conviction, ça c'est du raja kadhib, kadhalika, c'est une espérance qui est fausse. Wa dalilu dhalika qawlu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, ud'u Allah tabaraka wa ta'ala wa antum muqinun bil ijaba wa a'lamu anna Allah la yastajibu du'aan min qalbi ghafilin lahu. Et le hadith est authentifié par l'imam Al-Albani rahimahullah ta'ala, rapporté par Tirmidhi et l'imam Ahmad. Il est sahih, li ghayrihi, hadithun thabit, dans lequel le prophète alayhi sallallahu sallam lui demande d'implorer Allah azza wa jalla, de lui demander avec conviction, tout en étant convaincu qu'Allah subhanahu wa ta'ala va nous exaucer. Et il dit, et sachez qu'Allah n'exauce pas la dua provenant d'un cœur étourdi et distrait. Et ça a rajouté dans la condition qui était at-tadarru'. On a pu voir, c'était celui qui invoque Allah subhanahu wa ta'ala avec un qalb qui est khashi', avec un qalb qui est focalisé, qui est attentif, qui est concentré. Fait le hadith, dans la deuxième partie du hadith, il dit, et sachez qu'Allah azza wa jal n'exauce pas les du'a provenant d'un cœur étourdi et distrait. Wa qala ibn Mas'ud radiyallahu anhu anna Allah subhanahu wa ta'ala la yasma' du'a illa an yad'u du'a yathbutu min qalbi. Allah Azza wa Jal n'exerce pas, n'écoute pas les du'as d'une personne dont le cœur est étourdi, excepté si jamais il implore Allah subhanahu wa ta'ala avec un cœur qui est présent. Illa du'aan yathbutu min qalbihi. Enfin, ça c'est un hadith, une preuve à ajouter dans la condition qu'on avait évoquée dans le dars précédent, qui est faire preuve d'humilité, et ça passe par le fait d'être concentré lorsqu'on invoque Allah subhanahu wa ta'ala, comme on a pu le voir dans le dars précédent. Min ma'ani at-tadarru' al-khushu', la concentration. Bal, il n'y a pas de tadarrur sans khushu'. Celui qui est distrait, comme on peut le voir dans ce hadith-là, sa dua ne sera pas acceptée. Faqala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, implorez Allah subhanahu wa ta'ala, tout en étant convaincu que vous serez exaucé. Ça c'est al-iqanu fil ijaba, qu'il ait la conviction qu'Allah subhanahu wa ta'ala va l'exaucer. Fa, les ulama ils ont évoqué plusieurs sens à ce hadith-là. Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba. Et fil haqiqa, les sens qui sont évoqués, certains on a pu les voir, et d'autres fil haqiqa, ils peuvent même être évoqués comme conditions à part entière. Qala l'imam al-Mawla al-Qari rahimahullah ta'ala, qui fait partie des grands ulama, qui a un kitab qui s'appelle Al-Mirqah, qui est une référence dans l'explication des hadiths. Il nous dit, rahimahullah ta'ala, ud'u Allah wa antum muqinun bil ijaba, aykunu 'inda ad-du'a على حالة تستحقون بها الإجابة من إتيان المعروف واجتناب المنكر والرعاية شروط الدعاء. Il nous dit رحمه الله تعالى la parole du prophète عليه الصلاة والسلام, implorez Allah عز وجل avec conviction qu'Allah subhanahu wa ta'ala va vous exaucer. Ça passe par le fait que lorsqu'on se présente à Allah عز وجل pour l'invoquer, il faut qu'au préalable on se soit déchargé des choses qui sont un rempart entre nous et nos et l'exaucement, l'istijaba. C'est-à-dire s'écarter des péchés, ne pas s'entêter dans les péchés, car on peut faire les péchés et on regrette et on demande à Allah Azzawajal le pardon. Ça n'influe pas sur la réponse sur l'istijaba. Lakin, ce qui influe et qui infecte à l'istijaba, à l'exaucement, c'est qu'on s'entête dans les péchés. L'entêtement dans les péchés. Qu'on n'a pas de regret dans ces péchés-là. Fal-insan, celui qui se présente et qui lève les mains aux cieux et demande à Allah Azzawajal, mais n'a pas fait les causes pour se purifier des péchés dans lesquels il est, dans l'entêtement dans lesquels il est. Fait ça, fil haqiqa, on ne peut pas dire que cette personne-là, il est convaincu qu'il sera exaucé. Au contraire, elle est convaincue qu'il ne sera pas exaucé. Parce qu'il n'a pas ramené cette condition-là qui est quoi? D'avoir la conviction qu'Allah Azzawajal va l'exaucer. Et ça passe par le fait de s'être déchargé au préalable des choses qui sont des empêchements pour l'exaucement de nos doigts, comme on a pu voir dans le hadith al-sabiq, مشربه حرام ومطعمه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك. Celui qui s'entête dans l'égarement, dans le péché et qui ne regrette pas, ça c'est un rempart entre nous et nos doigts. فَلَا بُدَّ كَ الْإِنسَانِ يَعَمَّنْ les شروط. Il faut qu'il réunisse les شروط et qu'il se décharge des choses qui vont être un rempart entre lui et ses doigts. Ainsi il sera inshallah convaincu. Il aura une cause pour être convaincu qu'Allah Azzawajal va l'exaucer. Si jamais ce n'est pas le cas, dans ce cas-là, cette personne-là, c'est un mutamanni, comme on a pu voir. Mutamanni, c'est celui qui souhaite, mais qui ne fait pas les efforts pour ça. Qui veut qu'on lui donne, mais lui ne donne pas quand on lui demande. Ya yuhallazina manustajibu lillah wa lirrasul. Allah, il ne répond pas. Mais il veut qu'on lui réponde. Ça, ce n'est pas comme ça que ça marche. قال سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي. Que lui aussi réponde à mon appel. Parce que je l'appelle, il faut qu'il réponde. Si jamais il met du temps à répondre, كما تدين تدان. كذلك, on mettra du temps à te répondre. فالإنسان في الحقيقة, c'est lui qui se met des remparts. C'est lui qui s'obstine à faire les causes pour que l'exaucement ne vienne pas ou bien qu'il soit retardé. فالإنسان, il faut qu'il se décharge de ces choses-là. Avant tout, il faut qu'il regarde sur sa personne, qu'il s'assure vraiment que là, il est en phase d'être accepté, d'être écouté. Donc ça passe par le fait de se décharger de ces choses-là. Sinon, cette personne-là n'est pas convaincue, il n'est pas convaincu qu'il sera exaucé. Parmi les ma'ani, kazalika, donc ça rentre un peu dans ce qu'on a pu voir dans Rahba wa Rahba. Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba, et en faisant les causes, pour être vraiment désireux et vraiment être craintif. كذلك قال رحمه الله لدزم سنس كي ولد الحديث ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة أي وأنتم معتقدون أن الله لا يخيبكم لسعة كرمه وكمال قدرته وإحاطة علمه. فإنه رحمه الله تعالى لدزم سنس كي ولد الحديث ادعوا الله أنبوك الله avec conviction car vous savez pertinemment qu'Allah سبحانه وتعالى c'est lui le Karim, le généreux, c'est lui Ar-Rahim. C'est lui qui est ala kulli shay'in qadir. Rien n'est impossible à Allah subhanahu wa ta'ala. Il suffit qu'il dise subhanahu wa ta'ala kun fayakun. Fal insan, lorsqu'il demande à Allah azza wa jalla mu'taqidan, il a la conviction dans son cœur s'est instauré qu'Allah est Azza wa Jal, rien ne lui est impossible. C'est pour ça qu'il est convaincu qu'Allah va lui donner parce que c'est simple pour Allah. Il suffit qu'il dise kun fayakun, c'est léger pour Allah Azza wa Jal. Yassir, simple. Fa'idhan, il demande à Allah Azza wa Jal avec cette aqidah qui est saine qu'Allah subhanahu wa ta'ala a le plein pouvoir, ala kulli shay'in qadir, c'est l'omnipotent. Comme قال جل وعلا والله يحكم لا معقب لحكمه, rien ne peut empêcher le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que le prophète عليه الصلاة والسلام il a dit dans un hadith et ça rejoint لا يقولن احدكم اللهم اغفر لي ان شئت ارحمني ان شئت ارزقني ان شئت قال وليعزم مسالته فانه سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ولا مكره له. De cette aqidah-là, il en découle un hadith. Lorsqu'on est persuadé, on sait pertinemment qu'Allah est capable de toutes choses. C'est pour ça qu'on implore, parce que c'est simple pour lui, Jalla wa'ala. Et c'est pour ça que Nabi Sallam, il a dit, min al-adab, parmi le comportement même, c'est une condition que lorsque on demande à Allah, ya Azza wa Jal, on ne restreint pas nos doigts par Inch'Allah. Allah, donne-moi Inch'Allah, pardonne-moi, Inch'Allah. Il a dit, fal-ya'zam al-mas'ala. Il faut qu'il soit convaincu. Qui demande à Allah avec conviction, avec détermination. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait ce qu'il veut et rien ne peut le contraindre. Allah subhanahu wa ta'ala. Qui m'a parlé Jalla wa ala, Wallahu yahkumu la mu'aqqib li hukmihi. Allah juge et rien ne peut lui empêcher de juger subhanahu wa ta'ala. Kadhalika ce hadith-là, il est en parallèle à ajouter avec le hadith qu'on vient de citer. Ud'u Allah wa antum mouqina bil ijaba. Donc, dans ce cas-là, ne dites pas une shit. Ça, c'est qalil al-adab, ma'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que cette restriction, allait s'entendre que le serviteur, yani, comme si jamais il était indifférent. Une shit. Yani, une shit. Ou si tu veux, tu me donnes, si tu veux, tu me donnes pas. Comme si jamais il était indifférent, comme si jamais il n'était pas nécessiteux, comme si jamais il était riche, mustaghni anillah. Il se passe d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donne-moi si tu veux. Comme tu es une personne, si tu veux, tu me donnes. Si tu veux, tu me donnes pas. Et pour moi, c'est pareil. Hein. Et ça s'infecte pas sur moi. Enfin, le fait de dire in shit, ceux qui le disent, des fois, c'est par erreur, parce ou des fois par ignorance. Lakin, après que l'on sache qu'Allah azza wa jal, plutôt que le prophète, alayhi salatu wa sallam, nous a interdit de dire cela, il faut pas le faire. Il faut faire attention. Il faut éduquer nos langues à enlever ce in shit. Kazalika se rend dedans, inshallah, c'est la même chose. C'est la même chose. Qu'Allah me pardonne, Inch'Allah. C'est kadhalika, c'est la même chose. Tu ne dois pas dire Inch'Allah, parce qu'Allah veut te pardonner. Il n'y a pas besoin de dire Inch'Allah, comme si jamais il était dans la contrainte. Comme si jamais quelque chose le bloquait. Donc il faut s'abstenir de dire Inch'ita, Inch'Allah, lorsqu'on fait des doigts. Parce qu'Allah, Azza wa Jal, la mukhriha, la ila, rien ne peut le contraindre. Subhanahu wa ta'ala, na'am. Kadhalika bin mahani. Ud'u Allah wa antum muqinun bil ijaba, de cette condition-là qui est énorme, la conviction, lorsqu'on demande à Allah Azza wa Jal, on l'implore, on l'invoque. Kadhalika an nuhsin adhan billahi Azza wa Jal, qu'on ait des bonnes pensées envers Allah subhanahu wa ta'ala et envers l'ijaba que Allah Azza wa Jal nous a réservé. Et ça nous demande de quoi? De pas s'empresser. Istajil. L'insan, comme qu'a dit subhanahu wa ta'ala, khulqa al-insan min ajal. L'homme, l'humain, il a été créé avec une tendance à être pressé, il veut les choses rapidement. Il y a ce qui est fier. Il fait dua et il dit, je ne vois pas les fruits de ma dua. Istajil. Si jamais on sait qu'Allah Azza wa Jal, avec conviction, on sait qu'il va nous donner parce que rien ne peut le contraindre. Et Allah Azza wa Jal est généreux. Et Allah veut donner, il nous appelle même à ce qu'on lui demande, Jalla wa Ala. Dans ce cas-là, on n'a pas besoin de s'empresser. Allah va nous donner. Que ce soit maintenant ou après, Allah l'a promis. Wallah subhanahu wa ta'ala la yukhlifu al-mi'ad. Allah azza wa jalla lorsqu'il promet, il promet. Qala jalla wa ala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Et votre Seigneur a dit, implorez-moi, je vais vous exaucer. Fait Allah azza wa jalla, il l'a promis. Donc lorsqu'on demande à Allah azza wa jalla, il faut qu'on ait la conviction qu'Allah va nous donner. Et ça nous demande de quoi? D'avoir comme comportement de ne pas se presser. Le insan ne doit pas se presser. Enfin, il doit se remettre en question. S'il voit que la dua ne vient pas, il se remet en question. Allah Azza wa Jalla l'a promis, donc le fautif c'est moi. Est-ce que j'ai réuni les conditions? Est-ce que je me suis déchargé des interdictions, des choses qui sont des remparts entre moi et la dua? Les péchés, est-ce que j'ai je me suis entêté dans une chose et j'ai pas demandé le pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut qu'il se remette en question. Tu vois. Et surtout ne pas faire de qiyas. Un tel a demandé, il a eu, et l'autre a demandé, il n'a pas eu. Il dit, l'imam Nuqayr, rahimahullah ta'ala, chacun différencie. Le cœur, il est, l'iman, billahi azza wa jalla, il différencie. T'en as, il a iman qawi, l'autre, il a un iman qui est un peu moins qawi. Comme une personne qui est qawi fil jasad, il a une force, il y en a physiquement, il est fort, et l'autre, il est un peu moins fort. Cette personne-là, s'il jette le javelot, il va l'envoyer à une distance qui n'est pas semblable à celui qui est moins fort que lui. Fait kazalika al-qalb. Hatta il dit, yani kazalika, c'est comme, lorsqu'on fait du'a, c'est comme un arc, yani. Ça dépend. Il y en a, ils vont avoir al-habl, la corde, elle va être bien tendue. D'autres, ils la corde, elle est un peu détendue. Bah, ça ne va pas être au même tir. Fait kazalika al-qalb. On se remet en question, on ne fait pas de qiyas. Un tel a eu, un tel n'a pas eu, il faut que tu te remettes en question. Parce que Allah Azza wa Jalla, il a dit que l'exaucement, il est hasil. Allah subhanahu wa ta'ala s'en occupe, il va nous donner. Et ça, ça nous emmène qu'il y a une chose qui est super importante. Et c'est un remède, hatta, yani pour les personnes qui ont cette habitude-là, être pressées. Allah ne m'a pas donné. Ça, c'est faux de dire ça. C'est min qilat al-adab ma Allah azza wa jalla. Ou même de le penser. Allah ne m'a pas donné. Et il délaisse la dua. C'est encore pire. Il délaisse ce qui est akram inda Allah azza wa jalla. كما جاء في الحديث عند الإمام الترمذي رحمه الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا شيء أكرم على الله عز وجل من الدعاء مثل الحديث يعني فيه كلام parce qu'il y a عن دو قتادة qui a dit عن et qui a tendance à faire du tedlis à dire qu'il a entendu alors qu'il n'a pas entendu d'un tel لكن si l'on prend l'autre hadith الدعاء مخ العبادة ou plutôt الدعاء هو العبادة ça appuie ce hadith là dans lequel il est dit la chose la plus honorifique auprès d'Allah عز وجل c'est la دعاء. Donc le fait de délaisser ces choses-là, se dire on m'a pas exaucé, donc je ne continue pas, shaitan ne va faire la triompher sur toi. Et tu as délaissé la chose qui est le plus honorifique auprès d'Allah Azza wa Jalla, qui est de demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Comme je disais, j'allais oublier, ça nous amène à se poser une question. Et à donner un remède, inshallah tabarak wa ta'ala, à ces personnes-là qui ont de ces mauvaises pensées, à qui ils ont un petit stirjal. Awalan, on dit qu'est-ce que l'exaucement? Ces personnes-là qui disent « on ne m'a pas exaucé », qu'est-ce que l'exaucement awalan ? Avant de prétendre qu'Allah Azzawajal ne nous a pas exaucé. An-Nabi sallam, il nous montre qu'est-ce que l'exaucement. Il nous dit, alayhi sallam, le hadith il est dans le mustan de l'imam Ahmed, rahimahullah, min hadith Abi Sa'id, al-Khudri, radiyallahu anhu, قال النبي صلى الله عليه وسلم, ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة الرحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاثة. Le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, nous dit, il n'y a pas un muslim qui demande à Allah azza wa jal d'une requête qui est exempt de péché. C'est-à-dire, il demande pas des choses qui sont interdites. Il demande pas, mais que c'est l'aïman, il y a des interdictions, mais qu'il implore sur sa famille, qu'il implore sur ses enfants. Voilà, qati'at al-rahim, il demande pas à Allah azza wa jal que de rompre le lien de parenté entre lui et sa famille, l'akhiri. قال si jamais cette dua là elle est exempte de choses qui Allah Azza wa Jalla n'aime pas dans les dua, قال إلا أعطاه الله إحدى ثلاث. Allah Azza wa Jalla lui donnera une des trois choses à venir. Donc là ça nous montre que l'exaucement il est beaucoup plus large que le sens que certaines personnes pensent. Qu'est-ce que c'est l'exaucement? قال إما أن تعجل له دعوته. Soit Allah Azza wa Jalla lui donne directement ce qu'il a demandé. قال وإما أن يدخرها له في الآخرة. Ou bien Allah Azza wa Jal, il le garde, il le conserve, fil akhira. Et c'est mieux pour lui. Wal akhiratu khayrun wa abqa, yatamatta' biha. Éternellement. Contrairement à cette personne, à la personne à qui on va donner un bien dans la vie d'ici-bas. Imma an yudakhkharaha lahu fil akhira. Qala wa imma an yusrifa anhu min as-sou mithlaha. Wallah Azza wa Jal lui écarte un mal qui est beaucoup plus grand ou qui est semblable. Donc lorsqu'on demande à Allah Azza wa Jal, l'exaucement tourne entre ces trois choses-là. Donc il se peut que Allah Azza wa Jalla ne te donne pas la chose que tu as demandé. Parce qu'Allah te connaît mieux que toi. Il sait ce qui est aslah lak, qui est mieux pour toi, qui est meilleur pour toi. Tu demandes une chose, peut-être cette chose-là elle est bien. Lakin Allah te réserve quelque chose qui est beaucoup meilleur. Et ça parmi cela, il te la réserve yawm al-qiyamah. Ou bien tu étais dans le besoin qu'on t'écarte un mal qui t'aurait fait que tu n'aurais même pas pu profiter de ce bien-là et ni d'un autre. Fait Allah Azza wa Jalla t'a exaucé en t'écartant d'un mal. Donc lorsqu'Allah Azza wa Jalla nous exauce, ça contient, ça englobe trois choses. Donc après avoir compris cela, on ne peut plus dire, comme il est dit dans le hadith, يقول دعوت دعوت فلم يستجابوا لي فيترك الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم حديث متفق عليه. Donc hadith il nous dit le prophète عليه الصلاة والسلام vous serez exaucé tant que vous ne serez pas empressé dans vos doigts. Un de vous dit j'ai demandé, on ne m'a pas répondu. Et du fait, il a délaissé la doha. Ça, c'est une personne qui n'a pas compris qu'est-ce que l'exaucement, qu'est-ce que l'istijaba. L'istijaba, ce n'est pas forcément qu'Allah azawajal te donne ce que tu as demandé. Si c'est le cas, hada, alhamdoulilah, c'est un khair. Pourquoi? Parce que ça montre qu'Allah t'a entendu. Et ça montre que dans ta da'wa, il y avait de la taqwa. Parce qu'Allah il dit innama yataqabbalallahu min al-muttaqin. Ça, c'est un khair, c'est une bishara. C'est une bonne nouvelle, c'est annonçateur d'un khair. Que tu avais de la piété. C'est bien. Lakin, est-ce que l'exaucement. Al-istijaba, ça, c'est restreint à cela? Non. C'est pour ça que c'est une faute de délaisser ad-du'a, parce que tu penses qu'Allah ne t'a pas répondu. Allah a dit qu'il va nous répondre. Lakin, c'est à nous de faire tafaqquh fi din la hazoud, de comprendre. T'aimes les paroles d'Allah, de comprendre lorsqu'il dit wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Qu'est-ce que ça veut dire astajib lakum? C'est nous qui comprenons pas. Et ensuite, on remet la faute sur Allah, on dit Allah ne nous a pas donné. Astaghfirullah. C'est à nous de faire l'effort, de comprendre nos religions. Et si on comprend, nos religions, on va s'armer de patience. On va s'armer de patience et on va faire les choses dans l'agrément d'Allah. Fait ça, c'est l'exaucement. Hada, c'est l'exaucement. C'est important de comprendre ces choses-là. Je voulais vous évoquer une parole de l'imam At-Tahawi, rahimahullah ta'ala, mais dans le haqiqa, ça revient un peu à ce que je viens de dire. Dans lequel il nous dit qu'il y a une différence entre Al-Da'i wa Sa'il wa Al-Ijaba wa Al-Ya'ta. Il y a une différence entre le Da'i et Sa'il, celui qui demande et celui qui implore. Et il dit il y a une différence entre exaucer et donner ce qu'il a demandé. Comme on a pu le voir, exaucer c'est beaucoup plus large. Dans le hadith al-Qudsi, il nous montre bien les différences. Lorsqu'il descend dans le dernier tiers de la nuit, il dit subhanahu wa ta'ala, man yad'uni fa astajibu lah. Qui m'implore afin que je l'exauce? Qala wa man yas'alni fa yu'tiyahu. Et qui me demande afin que je lui donne? Donc là, il a bien fait une différence entre quoi? Exaucer et donner, et yad'u wa yas'al. Qala wa man yastaghfiruni fa aghfir lahu. L'istighfar ça rentre dans su'al, l'istighfar ça rentre dans da'wa. Donc l'ani, il a ramené le âme, ensuite le khas, ensuite l'al-akhas. Donc ça, c'est à bien comprendre, c'est une chose qu'on doit bien faire la différence entre les deux. I'ta ayn al-mas'ala wa l'istijaba. Si on comprend cela, on ne pourra pas dire da'autu, da'autu, falam yastajabuli. Hada, ça fait partie du adz. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أعجز الناس من عجز عن الدعاء. Les plus faibles d'entre vous sont ceux qui délaissent le dua. C'est clair et net. Parce que c'est la chose la plus honorifique. Allah te t'honore avec le dua. وصل عبادة. وقال سبحانه وتعالى قل لا يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. Allah عز وجل n'aurait été le dua, il nous aurait pas donné d'importance. فهذا ça fait partie de la faiblesse. Le fait de s'empresser et de délaisser. Il faut que lorsqu'on fait le dua, comme l'a dit Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, c'est comme une graine que tu plantes. La graine que tu plantes, qu'est-ce que tu fais? Tu continues à regarder, il faut l'arroser de temps en temps, tu regardes si jamais il n'y a pas des choses qui sont venues empêcher la germe et tout. Donc il fait attention à son champ, il regarde. Fakadalika ad-du'a. Et c'est une ibada qui m'a parlé subhanahu wa ta'ala. Ok, m'a parlé le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc si jamais même tu ne vois pas, continuez à adorer Allah, c'est une ibada. C'est une ibada. Et comme on a pu voir, c'est pas forcément qu'Allah va te donner ce que tu souhaites. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala sait mieux que nous ce qu'on a besoin, ce dont on a besoin. Ça c'est important, jiddan, de savoir ces choses-là. Avec cette connaissance-là, on évite d'avoir des mauvaises pensées sur Allah. On va conclure avec une belle parole. De l'imam al-Razi, rahimahullah. Le hadith précédent, عجز الناس من عجز عن الدعاء, le hadith il est authentique, authentifié par Sheikh al-Albani, rahimahullah ta'ala, fi sahiha, le numéro 601. L'imam al-Razi, il résume un peu tout ce qu'on vient de dire, il nous dit, rahimahullah, قال أجمعت الأمة, la umma s'accorde à dire, أن الدعاء اللسان الخالي عن الطلب النفساني قليل النفع عديم الأثر. La dua qui provient d'une langue qui est dépourvu d'un cœur et qui sollicite, qui a des convictions, et dit ça sera une dua qui a peu de naf'a, ou pas du tout de naf'a, pas de profit du tout. Ça nous demande de patienter et de toujours demander à Allah et à Azzawajal. Et là, on a dit, da'autu, da'autu, falam istajabuli. Ça c'était là, septième condition qui est la conviction. أن يكون موقنا بالإجابة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Donc là on va emmener les choses الآن qu'on appelle l'irtida, l'inverse. On a vu les shurud, les conditions, الآن on va voir les choses qu'il ne faut pas faire, l'irtida. En fait, الحقيقة, si on a vu les shurud, bah tu inverses. L'inverse du, l'opposé de la condition, c'est l'irtida. والإعتداء قال العلماء c'est quoi قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى الاعتداء في الدعاء parce qu'Allah dit إنه لا يحب المعتدين. On se doit de connaître aussi qu'est-ce que le sens de إنه لا يحب المعتدين. Allah n'aime pas cela dans les دعاء. فإنه لا يحب المعتدين الاعتداء قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى الاعتداء سي التجاوز في المنهي أو في المأمور فيه. C'est le fait de transgresser, de dépasser les limites, soit dans l'interdiction ou soit dans les obligations. هذا هو التجاوز, هذا هو الاعتداء. C'est التجاوز. وأما يعني الاعتداء في اللغة أو plutôt يعني في الدعاء كما قال الإمام ابن يسير رحمه الله تعالى قال هو الخروج عن المأثور. هو الخروج عن المأثور الشرعي والمسنون النبوي. C'est le دعاء qui est sorti de la norme sous laquelle Allah عز وجل l'a légiféré ou que le prophète عليه الصلاة والسلام l'a légiféré. C'est le fait de sortir des normes. Comme on a pu voir, parmi cela, et c'est la plus grosse des i'tida, c'est al-shirk billah, al-riya, l'ostentation. Comme on a pu voir, la première condition, c'était quoi? L'ikhlas. Donc, l'inverse, l'opposé, qui est quoi? Qui est d'avoir de l'ostentation, al-riya. Kazarika, comme on a pu voir, le fait que la personne, il s'invente, il y en a des awrad, il y en a fi ad-du'a. Et tout le temps, il répète ces du'a-là. Il s'invente des du'as à la sabil al-dawam. Daïman répète ces du'as-là qui ne sont pas évoqués dans la sunna. Et délaisse les invocations qui sont évoquées dans la sunna. Fada kazalik, comme on appelle le bas, hada min al-bida'in wal-muhtasar, comme a dit l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Que l'insan, il se doit de suivre la siyama dans les moments où le faisait le prophète, alayhi sallallahu alayhi de le faire, parce qu'on va voir que l'ad'iya ou l'adhkar, il y en a qui sont muqayyada, il y en a qui sont mutlaqa. Muqayyada comme ceux du sabah, le masa, quand il rentrait chez lui. Quand il faisait salat, il y avait des du'as et des adhkar qui étaient bien précises. Et il y en a qui sont mutlaqa. Il y en a qui sont mutlaqa dans lesquels libre à comment s'appelle arbitre à la personne, libre à lui-même, yani de demander à Allah Azza wa Jal de ce des du'as yani qui sont le mieux pour lui et les plus appropriés. Lakin celui qui prend tout le temps, jamais il prend la sunna et tout le temps il s'invente des du'as, ça fait partie des bid'ah muhdathat. Kazalika comme on a pu le voir, min al-i'tida, l'inverse, l'opposé de quoi? At-tadarru'. Qui est quoi? Qui est l'istighna? Comme si jamais il se passait d'Allah Azza wa Jal. Il n'y a pas d'humilité. Au takabbur, encore pire, il a de l'orgueil. Il ne demande pas Allah Azza wa Jal. Il pense qu'il n'a pas besoin d'Allah Azza wa Jal. Kazalika min al-i'tida al-lahu wal-ghafla, comme on a pu voir. Être étourdi et distrait. L'inverse du khushu'. Kazalika al-khudu'. On a pu voir que parmi les conditions. Wa min al-i'tida al-ittirab, le fait qu'il soit agité. Wal-harakat al-kathira, qui montre que son cœur n'est pas focalisé, n'est pas avec Allah Azza wa Jalla, qui est un peu à droite, à gauche, il est dispersé. Kazalika, on a pu voir min al-ashurud al-khifya, et annahu yad'u khufya. Fahada, c'est l'i'tida, fi dhalika, c'est raf'u as-sawt, d'élever la voix pour rien. Tu n'as pas besoin d'élever la voix, comme on a pu voir. Kazalika, min al-i'tida, comme on a pu voir, at-tamanni, la fausse espérance. Parce que parmi les shurud, espérer avoir le désir qu'Allah Azza wa Jalla t'exauce. Kazalika la crainte, lorsque tu demandes une chose dont tu crains. Avoir une crainte qui est sincère, c'est-à-dire s'écarter des choses dont tu crains. Comme on a pu le voir. Wal hajizu man atba'a nafsahu hawa kama qala an-nabi sallam. Wa tamanna 'ala Allah al-amani, demande alors qu'en vérité fait pas les causes pour cela. Wa min al-i'tida al-ajala. Min al-i'tida comme on a pu le voir, al-ajala, yustajabu li ahadikum ma lam yasta'jil. Yustajabu li ahadikum ma lam yasta'jil. Hada min al-i'tida. Partie des choses qu'Allah n'aime pas dans les du'a qui font que ta du'a ne sera pas écoutée, pas exaucée. Kazalika min al-i'tida ash-shak. Il n'a pas la conviction qu'Allah Azza wa Jal est capable de l'exaucer. Hada kufrun billah, kufrun fi kamal qudrati. C'est yani, douter sur la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et son omnipotence. Fahada, ça fait partie du kufr billahi Azza wa Jal. Ou bien qu'il n'est pas convaincu par rapport à son hal, par rapport au fait qu'il est dans les péchés et sans tête. Fahada, yani, il peut que se plaindre à lui-même, s'en prendre à lui-même plutôt. Mais l'i'tida kadhalika, comme on a pu voir à travers le hadith, قال من من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة الرحم. Il ne faut pas qu'il lorsqu'il implore Allah, il implore en disant des choses qui sont interdites. Comme Salam Yanijal fi Hadith, Allah yatamanna ahadakum al-maut. Il nous interdit de demander la mort, excepté si jamais l'Abd Damin qui disent si jamais, fais-moi vivre si jamais la vie est meilleure pour moi, et fais-moi mourir si jamais la mort est meilleure pour moi. Wa kazalika, anna Nabi sallallahu alayhi wa sallam naha annahu yadu'u ala al-ahl. Qala la tadu'u ala anfusikum. N'implorez pas sur vous-même, sur vos enfants, sur vos familles. Car il se peut que vous dites cette du'a-là dans un moment où Allah Azza wa Jal exauce et ensuite yani, que vous subissez cette du'a-là. Fa yani min al-i'tida annahu yadu'u ala nafsihi. Ou yadu'u yani bil-haram annahu la yajuz. Yatajawaz mathalan, yani celui qui a été opprimé. On lui a volé son portable, il dit je demande à Allah qu'il le fasse entrer en enfer. Hada la yajuz. هذا يعني تجاوز لا بالغ في الصلاة لكن دي عليه من الله ما يستحق عليه من الله ما يستحق الله عز وجل le rétribue de ce qu'il mérite. Ça c'est mieux يعني pour éviter de pas tomber dans ظلم كذلك, dans la transgression. Faut faire attention, des fois l'émotion prend le dessus sur nous et on dit des choses, on s'en rend pas compte, et ça c'est la yadouz. Au contraire, يعني tu ressors avec un péché, tu penses que دعوة المظلوم c'est دعوة qui revient sur toi. Tu dis d'abord de mazloum, yani laysa baynaha wa bayna Allah hijab, fi al-haqiqa na'am, et ça revient sur toi. Donc il faut faire attention, il faut faire preuve de piété. Lorsqu'on est opprimé, il faut faire attention à ne pas transgresser. Kada li kada, ça rentre dedans. Ou bien demander des choses, mais l'alerte, des choses qui ne sont pas à la'iq. Comme est venu dans le hadith de Al-Hakim, dans le Mustadrak. Anna Abdallah ibn Mughaffal, radiallahu anhu, il a entendu son enfant dire, Allahumma inni as'aluka al-qasr al-abyad fi an yamin al-jannah. Son fils, il a demandé à Allah Azza wa Jal, il a entendu dire que son fils, il disait, il demande à Allah Azza wa Jal qu'il lui fasse faveur d'un château blanc sur la droite du paradis. Son père, il a entendu, il a dit, Yabunay, ô mon fils, is'alallah al-jannah, demande à Allah al-jannah, wa'udh bihi min an-nar, et prends le refuge contre l'enfer. Prends le refuge contre l'enfer. Les ulama, ils ont évoqué que Kazalika de détailler ce genre de détails dans les doigts. Je demande ceci, cela, dans tel endroit, dans. Ah, ça, c'est là, les sabillaïk. Al-Hadith, il est venu. Qal al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ittaqullah wa ajmilu fi talab. Craignez Allah subhanahu wa ta'ala et abrégez vos invocations. Et évoquez-les de manière générale. Des généralités. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, yann kana, yann madja fi al-Hadith, yann outil al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, yann jawami' al-Kalim. أتي النبي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم تمام وكان يحب ذلك سبحان النبي صلى الله عليه وسلم les paroles qui sont courtes, qui sont brèves, لكن qui comportent de grands sens. كذلك dans les dua, il est meilleur مثلا كثيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Celui qui se restreint à dire cette dua là فقد دعا بخير الدنيا والآخرة, il a demandé les biens de la vie d'ici-bas et de l'au-delà juste avec cette dua là. Les meilleurs de du'a, c'est celle du Coran. On s'en joint les du'a qui sont dans le Coran. Parce que c'est la meilleure parole. La meilleure parole, c'est la parole d'Allah. Et donc, ce qui est dans le Coran, c'est les meilleurs du'a. La shak ou la riba fait. Enfin, l'insan, il s'abstient de détailler dans les du'a. C'est pour ça que le suivi, il est important. Ça t'évite de faire des sorties comme ça sans savoir. Et de dire des choses qui, en vérité, ne sont pas aimées auprès d'Allah et qui sont considérées comme la transgression. Donc, tu verras pas le fruit de tes du'a. Après tu dis da'autu da'autu falam yastajibli, on m'a pas répondu. كذلك يجوز ذكر العلماء من الاعتداء تكلف السدع, يعني rechercher la rime lorsqu'on fait des doigts. في الحقيقة cette personne là il est plus en train de demander Allah عز وجل, il est en train de faire de la poésie là, en train de faire yani les efforts pour que ces doigts ont un rythme, ont une rime. فسي جميع يتكلف يعني Il fait l'effort pour que ces du'a-là se finissent par des rimes. فهذا كذلك, ils ont évoqué certains du'a-là, comme le Qurtubi rahimahullah, que ça fait partie de l'i'tida, que c'est pas dans l'humilité de faire cela. Lakin si jamais Allah t'a donné une fasaha, et t'a donné de l'éloquence, et que c'est simple pour toi de faire des rimes sans yani faire des efforts et sans yani le faire volontairement, le chercher et tout, فهذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم, ça lui est arrivé de faire ce genre de du'a-là. اللهم منزل الكتاب Naam Hazim al-Ahzab, Sarih al-Hisab. Ça lui arrivait de faire des du'as avec des rimes. Lakin sans takalluf. Sans takalluf. Hada kadalika, j'ai évoqué les ulama, que ça fait partie du takalluf. Naam. Kadalika, inshallah, afin de conclure ce dernier cours et pour qu'on puisse, inshallah, rentrer dans les portes de la citadelle, comme Allah Azzawajal l'aime et l'agrée, parce que c'est ça le but. Hein. C'est pas qu'on dise les invocations et en vérité, on va pas en voir les fruits. Pourquoi? Parce qu'on n'aura pas pris les portes comme Allah Azzawajal nous a demandé de les prendre. Wa'tul buyuta min abwabiha. Il faut qu'on rentre dans la citadelle comme Allah l'aime et l'agrée. C'est-à-dire en connaissant ses shurut et kadalika, ses interdictions et ses l'artida, la transgression dedans. Kadalika, on va évoquer hahuna. C'est muhim. Min al-ashya yani min al-bida'a. Certaines choses qui font partie des bid'a dans Ad-Dua. Wa min dhalika, comme c'est évoqué dans l'Athar, que je pense que vous connaissez tous, l'Athar d'Ibn Mas'ud, ou plutôt d'Abu Sa'id al-Khudri, lorsqu'il a vu une jama'a, parmi les tabi'i, ils étaient réunis en train de faire le tasbih, le tahlil, ils étaient en train de mentionner le nom d'Allah Azza wa Jalla, lakin en jama'a, ils étaient réunis. Et une personne qui était comme le meneur, et qui disait Subhanallah, et tous derrière lui répétaient Subhanallah. Et il faisait le tasbih avec des pierres. Fait, lorsqu'il a vu ça, Abu Sa'id, il est parti voir Ibn Mas'ud, radhiyallahu anhu. Il a dit, j'ai vu une chose qui est quoi? Blâmable. Il a dit, si jamais Allah te donne la vie, tu verras. J'ai vu des gens se réunir autour d'une personne et suivre cette personne-là dans le tasbih. À chaque fois qu'il disait Subhanallah, il le répétait, il jetait en même temps des pierres et il comptait leur tasbih comme cela. Fait, Ibn Mas'ud, il est venu, il a dit, yani, quelle est votre affaire? Les habits du prophète ne sont pas encore déchirés. Et ça, c'est les récipients du prophète. Alayhi salam, ils ne sont pas encore cassés. Pour dire que le prophète vient juste de mourir et vous êtes en train de déjà le contredire. Il a dit, plutôt de penser que vous êtes en train de gagner des hasanats, comptez vos péchés avec vos pierres. Donc ça nous montre que, et il a évoqué dans le hadith, que ça c'est yani min al-ihdath. Il a évoqué que c'est min al-ihdath, yani ahdathu. Ils ont inventé des choses. Donc ça nous montre deux choses. Premièrement, c'est que le fait de faire le dhikr en groupe, comme c'est le cas ici, un meneur dit et l'autre, les autres suivent, ça c'est pas légiféré. As-Sahaba, al-An, il nous montre que, Abu Sa'id et Kadalik Ibn Mas'ud, qui là, il nous montre que ça fait partie de l'ihdath, ça fait des choses qui sont innovées. Enfin, hada kadalika, c'est pas légiféré, c'est askar là de se réunir autour d'une personne et la personne a fait le. A mentionne les hadiths et on récite derrière lui. Excepté si jamais c'est mimbab al-tahlim, on veut lui apprendre. C'est un muallim, il veut apprendre aux gens, yani, que dire dans ces doigts-là. Au lieu de répéter pour chaque personne, il est réuni et il dit la doigt et il répète derrière. Ça, c'est une autre chose, c'est une autre intention. Lakin, dans un cas hors que le tahlim, fahada la yadouz. Kadalika, ça nous montre que le faire le tasbih avec le chapelet, hada kadalika, ça fait partie des bidars en muhtasat. Khilafun bayna al-ulama, je sais que al-Uthaymin wa Ibn Baz kilahuma rahimahullah rahmatullahi alayhi, ils disent que la bas bihi, parce qu'ils disent c'est pas compté comme ibada, l'axe ça fait partie des ibada. Et la preuve qu'on a sur cela, c'est la parole de Ibn Mas'ud qui a dit ceci est une innovation. C'est une chose innovée, il a dit c'est une chose munkar. Si jamais ça aurait été une chose la bas bihi comme ils ont dit, ils auraient laissé. Ils n'auraient pas réprimandé cette chose-là. Et même il dit dans le hadith, il nous montre que cette kayfiyya là, cette manière de faire, c'est une chose qui est blâmable. Et il a jugé que ce sont des péchés. Donc c'est une chose qui contredit l'islam. Ça c'est la parole qui est la plus juste. C'est la parole qui est sahih. Elle est posée sur la compréhension des sahaba. Ibn Mas'ud wa kadalika Abu Sa'id, parce qu'il a entendu, il a approuvé ce qu'il a dit. Il n'a pas reproché, même c'est lui qui est venu le voir et lui dire qu'ils ont fait des choses qui sont blâmables. Que Sheikh Mokbel, rahimahullah, kadalika Sheikh Al-Albani, ils évoquent que ceci est une innovation. Et Sheikh Al-Albani, il évoque même que les athars qui sont prétendus à certains sahaba, il a dit, je les ai réunis, et ils sont tous da'if. Aucun de ces hadiths-là sont authentiques. Et le seul entendre que certains le faisaient, lakin, quelle est la preuve? Sur quoi se basait-il? Sur quoi se basait-il? Quelle chose nous montre cela? Que ceci est légiféré. Al-Nabi Sam, il a dit, da'ouni ma taraktukum. Da'ouni ma taraktukum. Laissez les choses telles qu'elles sont. Est-ce qu'il nous a laissé ce genre de kayfiyya là, de faire avec les chapelets là? Et en plus, comme on a pu évoquer, c'est en opposé, cette manière de faire, c'est en opposé avec quoi? Avec at-tadarru', l'humilité. Vous avez même pu même le remarquer, certains ils font le tasbih avec le chapelet, fil haqqa il est ailleurs. Comme j'ai dit, certaines personnes même, il arrive à te parler en même temps qu'il fait le dhikr avec le chapelet. Enfin ça s'oppose à la condition qui est atadarruh, l'humilité, al-khushu' wal-khudu', tamsukun al-jawarih, que les membres ils soient tranquillisés. Mahada, ils regardent à droite, à gauche. Al-muhim, c'est une chose qui est inventée. C'est une chose qui est inventée et qui le distrait de la condition qui est d'avoir l'humilité, de ne pas être agité. C'était comme muqaddima, on en avait besoin, afin de savoir comment on va être agréé auprès d'Allah Azzawajal par le biais de ces askar qui sont muhimma, comme on a pu le voir dans le hadith, c'est akram shay' indallahi Azzawajal. La shay' akram indallahi Azzawajal min ad-du'a. C'est la chose qui est la plus honorifique. Donc on se doit de lui donner son droit et de connaître ses conditions et de connaître ses interdictions, de connaître les ertidales, les transgressions dans cela. Et dans le prochain cours, inshallah, donc mercredi, inshallah tabarakatallah, on va poursuivre. Nassallah azza wa jalla yanfa'ana wa yakum bima sami'na. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanallah, astaghfirullah wa atubu ilayk. Shukran.